tourne en rang. Nouveau sang, je le mets à fond. Je suis dans un bolide noir sombre, je le fais rupter sous les ponts. Plein de blèmes à la maison, faut que je revienne à la raison. Plein de potions dans le blouson, les gens changent toutes les saisons. Tu bois de l'alcool, tu fumes le shit, t'as les dents chantes comme mon mère. Tu tapis toi sur ton sang, n'oublie pas qu'on m'a rien offert. Ce que tu fais, ça se fait pas. Sur PP, ça me dégoûte. C'est pas comme si je m'attendais pas, je suis que des héros des putains. J'ai appris qu'il y a des traits dans la team, m'en fous, je trace ma route. Moi, vis d'or et de platine, ouais, nique les faux qui doutent. Ça m'écoute qu'à Lyon, au charbon même dans l'avion. Elle me trouve toujours mignon, elle m'appelle mon petit papillon. J'en ai vu toutes les couleurs, j'pourrais écrire un livre sur tout ce que je vois. J'te pure, j'en ai des douleurs, si tu voyais ce que je fume, ce que je bois. Elle t'aime plus, mon bro, elle veut plus de toi. Elle répond plus, elle ressort le soir. J'vis, j'parle ghetto. Dans la vie, on sait jamais, mais faut pas menacer la fafa ou ça sort le métho. Toi-même tu sais, pote que je le sais, la vie une chaîne, il peut rien pour toi le béto. La devise tu connais, ouais, on fait que charbonner, on regarde pas dans le rétro. Puis que je suis blessé, ouais, pour moi c'est plus pareil. J'ai fait le tri, j'ai fait les cons, gros, tu connais, bah ouais. Combien de temps j'ai perdu dans le fond, donc comme d'hab je marche. Gros, tu connais, bah ouais, avec le temps je me lasse. Amitié colocataire, et c'est chacun sa parcelle. La vie m'a laissé trop de séquelles, alors j'ai gonflé ma sécu. Tu pourras prendre 38 échelles, pour prendre mon cœur, tu seras déçu. Mauvaise humeur, je parle plus, je branche le fil, je ne dors plus. Au final, je sors plus, je tourne en rond et je suis déçu. Je voudrais prendre le large, moi, quitter le secteur. Tu sais comme on est, gros, on est sectaire. On traîne qu'entre nous, on parle qu'entre nous. Et si demain je pars, il reste quoi? Bah rien que vous, rien que des souvenirs, rien que des doutes, rien que des photos, rien que tu souffres. Pour un rien ne fait pas le fou quand tu règles tout avec des sous. J'essaie d'être bien avec les gens, je serai sur le trajet. J'avance tout droit, je prends mon temps, je pose pavé par pavé. J'vis, j'parle ghetto. Dans la vie, on sait jamais, mais faut pas menacer la fafa ou ça sort le métho. Toi-même, tu sais, pote que je le sais, la vie une chaîne, il peut rien pour toi le béto. La devise tu connais, ouais, on fait que charbonner, on regarde pas dans le rétro. Puis que je suis blessé, ouais, pour moi c'est plus pareil. De toute façon on est tous les mêmes. De Marseille à Paname, tu perds un pote, il en perd un. C'est la même peine qui s'installe au fond. On voulait des pépettes, conduire toutes les grosses bébêtes, finir nos vies à peu près. Pas de confiance, pas de teutre, pas de blême, pas de secret. Pas de haine, pas de fausse. T'es en un soir, je vais m'isoler. Je fais demi-tour, j'avance pas, gros. S'il y a danger, je reviendrai trois fois plus fort. Je reviendrai plus préparé. À la base, j'avais les poches trouées. J'ai vu que dans le bus t'étais doué, un merco t'a loué, ils te font tous des mauvais souhaits. T'as vu ta mère se lever tôt, t'as vu personne qui l'aidait. T'as vu ton pote ouvrir le bendo sous la chaleur en plein été. C'est ton poteau, tu l'aimes trop, mais il commence à faire la loque. Il a plus Winnie, se met dedans, c'est qu'en cachette il prend la coque. T'as l'air il faisait le gros, mais là il vient de se faire secouer. Diront que t'as pas de cœur, là je sais même plus s'ils se souviennent. Quand ils se noyaient, que tu leur envoyais les bouées. T'envoyais l'avocat quand ils étaient écroués. Combien de fois cette année t'as été éprouvé? Tes potes te lâchent pour du buzz et ça c'est prouvé. J'suis dans mon ghetto. J'ai fait ce qui tous les vendus, tous les...